Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Beau projet actuellement, c'est un projet embryonnaire, mais c'est un projet qui est intéressant, puis ça touche plus les gens du Saguenay, mais j'en parle parce qu'évidemment sur Internet on est capable de rejoindre pas mal de monde. C'est qu'il y aurait un projet d'emmener une équipe semi-professionnelle de l'Empire League Baseball, qui se trouve être un peu ce qu'on pourrait dire un club ferme pour la Ligue Can-Am. Donc ça aurait lieu à Jonquière au cours des prochaines années, et on va parler avec quelqu'un qui travaille là-dessus, c'est Richard Lahaye. Bonjour Richard. Bonjour Danny, ça va bien? Oui, ça va bien Richard, moi je trouve ça le fun, je trouve à la limite, l'année passée, quand les capitales étaient supposées venir jouer contre les Aigles à Trois-Rivières, à Ville-Saguenay, je lui avais posé la question, est-ce qu'un jour la Ligue Can-Am pourrait aboutir à Ville-Saguenay? Je me disais, si Trois-Rivières est capable d'avoir une équipe, pourquoi pas Saguenay? C'est pas mal la même grandeur, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de distance. Mais là, vous arrivez avec un projet de l'Empire League Baseball. C'est quoi cette ligue-là? Est-ce que vous pouvez parler de semi-professionnel? De professionnel, parce que dans le fond, il y a trois règles là, pour avoir un professionnel, et puis la Ligue rencontre ça. En fait, ben, pour situer les gens, si on regarde la Can-Am, c'est côté un niveau qui se situe entre le A-fort et le double A, parce que les gens connaissent ça, là, que la, ouais. les Ligues majeures, il y a double A, double A et A. Et ensuite, en bas du A, il y a ce qu'ils appellent le rookie. Donc, c'est souvent les premiers repêchés, là, les joueurs ouais. repêchés là, vont se retrouver là. L'Empire League se situe entre le rookie et le A. Okay. Mais il reste que la mission de cette ligue-là est de pas juste de donner du baseball professionnel, mais c'est également de former les joueurs pour éventuellement être repêchés, parce que la plupart de ces gars-là ont pas été repêchés. Mais c'est pas parce que t'es pas repêché que t'es pas de calibre, il y a des circonstances à un moment donné. Puis, juste donner un exemple, là, en deux ans, il y a tout près de 50 joueurs qui ont monté de l'Empereur à la Can-Am, à l'American Association, à la Frontier, à l'Atlantique. Ah, c'est bon. En fait, ils sont les quatre principales ligues professionnelles indépendantes. OK. Il y a combien d'équipes dans cette ligue-là? Actuellement, il y a quatre équipes et 2018, ils vont procéder à une expansion de deux autres équipes. Il va y avoir six équipes dans la ligue. OK. Ça se situe tous dans le nord-est, là, dont Plattsburgh et Old Orchard Beach, entre autres, qui ont une équipe. Et ils ont ce qu'ils appellent un road team. OK. C'est une équipe sans domicile fixe et qui est composée complètement de joueurs portoricains parce que le propriétaire de la ligue est propriétaire des six équipes et c'est un portoricain d'origine. OK. Dis-moi, et donc, le budget, le prix d'expansion, c'est combien? Le budget d'exploitation, là, parce que moi, je me disais, la Ligue Can-Am, si la Ligue Can-Am, à quelque part, tu sais, ça coûtait cher, des distances, blablabla, je me disais, là, si c'est ça pour la Ligue Can-Am, ça doit être la même fait pour l'Empire League. Non, il y a une grosse différence. OK. Can-Am, on parle d'à peu près 1,4 million par saison, okay. Alors que l'Empereur, c'est 350 000. Oh. Alors, c'est le quart, c'est carrément le quart. Mais il faut dire que les salaires sont moindres, la saison est très courte, on parle de 50 matchs total, okay. Donc environ 25 matchs locaux. Puis dans le fond, les joueurs aussi, les dépenses, là, c'est vraiment au minimum. Mais il reste aussi que les infrastructures minimum exigées par la Ligue comparativement à la Can-Am s'adressent justement à des marchés là, comme Ville-Saguenay et Plattsburgh, entre autres, là, pour nommer okay. deux autres. Moi, je me dis, pourquoi on irait là plutôt que la Ligue senior de baseball? Parce que la Ligue senior de baseball, tu connais ça. Il y a Eric Sieg oui. qui joue là-dedans. T'as Andy Lantegua qui a déjà joué également pour les Capitals. Je pense qu'il joue encore là-dedans. Puis ça, c'est oui. plus dans le je dirais, le centre du Québec. Mais je me disais, pourquoi pas une expansion vers Saguenay? Qu'est-ce qui a le plus de différence entre l'Empire et la Ligue Senior? Parce que je me dis, il faut avoir des Québécois, j'imagine, qui jouent dans cette équipe-là. Oui, absolument. Dans l'Empire, nous, parce que pour faire aussi un petit résumé, la première demande là, est venue de Ville Granby. Okay. Alors, Granby, avec un stade de 1000 places, rencontre les normes de la Ligue Empire. Et la Ligue Empire, les joueurs sont beaucoup plus jeunes. Là. C'est des gars qui ont encore l'espoir, à un moment donné, de faire le saut peut-être dans le baseball indépendant, puis voir même éventuellement peut-être atteindre des niveaux comme le triple A, puis voir même les majeurs, parce que on s'entend que c'est des histoires rares, mais c'est quand même... Ouais, il y en a quand même, il y en a quand même quelques-uns. Il y a Chris Colabello absolument. Qui a déjà joué là-dedans. Le lanceur canadien, là, le gaucher qu'on a vu qui se promène dans le... Oui, Philippe Aumont, mais qui se promène, c'est un gaucher qui se promène dans le 3. Il a joué avec les Blue Jays puis les Twins du Minnesota, là, dont le nom m'échappe. En tout cas, il a joué dans les... Ouais. Les gens qui suivent les Canadiens savent de qui je parle. Donc, il y en a quelques-uns. Là. On compare aux seniors, les joueurs sont plus jeunes parce que, justement, ils sortent la plupart du collégial. Puis nous, on pense que... Parce que, dans le fond, on a besoin de deux expansions au Québec là, pour arriver la Ligue à 8 équipes. Nous, on pense qu'on pourrait avoir probablement 5-6 Québécois là, par équipe. Ah, OK. Ils peuvent faire leur chemin chez nous et probablement aussi d'autres Canadiens parce qu'il est prévu dans le plan d'affaires là, d'aller recruter là, du côté de l'Ontario. OK, OK. Actuellement, je sais qu'à Ville-Saguenay, il y a plusieurs sujets. Le Saint-Georges Vézina, je sais pas si tu me suis un peu, mes commentaires. Oui. Il y a évidemment Michel, il y a beaucoup de travail à faire. Il arrive en poste également, beaucoup de choses à apprendre. Ça a quoi été la réponse de Ville-Saguenay jusqu'à maintenant? Bien, effectivement, ils ont mentionné qu'il y avait comme deux projets en priorité. Là, je pense qu'il y avait un projet de soccer et il y avait un projet de centre Georges Vézina. Sauf que je pense que la bonne nouvelle et la surprise agréable pour Ville-Saguenay, c'est les coûts d'exploitation pour une telle franchise. C'est un retour parce que si j'ai vu aussi à un moment donné dans un livre dans les années 50, il y a eu une équipe professionnelle à Chicoutimi, on voit qu'avec le stade en place, on n'aura pas d'investissement majeur à faire parce que moi j'ai vu deux stades là, où ce que la Ligue Empire sont actuellement, puis il y a absolument rien de honteux là-dedans, là, au contraire, je peux te dire. Là. Fait que moi, je trouve que l'ouverture d'esprit est bonne. Puis dans le fond aussi, là, je vais lancer un nom de même, mais on dit un monsieur comme Alain Bouchard, qui on sait quand même, dispose de bons moyens. Ben, à un moment donné, c'est un petit qui pourrait donner le nom de son stade là à Chicoutimi, à Béjonquin, c'est-à-dire. C'est un type même qui pourrait associer là, son entreprise à la Ligue du côté Québec et du côté américain, puisque côté américain, ils ont 7000 magasins, là, au nom de Circle K et d'autres noms en plus de Couchetard. Donc, ça, c'est une possibilité. On lance un nom de même, mais évidemment, on s'entend que ça prend un contact privilégié pour approcher M. Bouchard, mais tu sais, c'est une idée là, qui serait quand même intéressante. OK, OK. Le projet est embryonnaire, donc on ne peut pas penser de 2018, mais 2019, est-ce que c'est possible? Oui, 2019, c'est vraiment ce qui est dans la liste, c'est 2019. Ouais. Alors là, on a Granby, on a mis Saguenay sur les rangs, mais tu sais, ça pourrait être aussi des places comme Repentigny, qui ont un stade quand même potable aussi, Tetford Mines, qui peut rentrer en masse de monde. Donc vraiment, l'investissement au départ n'est pas énorme, là, parce que le budget, là, s'équilibre avec tous les moyens de revenus là, qui sont possibles à part la mise de fonds initiale. Vous avez parlé de Repentigny, vous avez parlé de Thetford. Pourquoi plus Jonquière qu'à Thetford? Ben, Jonquière, nous, on trouve que deux choses. Le stade est plus récent, donc plus intéressant pour la Ligue. L'autre affaire aussi, on a regardé quand même les foules que Junior ont attirées et attirées sur une base régulière. C'est quand même impressionnant. Puis les gens qui posaient la question, ouais, mais le Junior, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je pense qu'il va arriver la même affaire que Trois-Rivières. C'est-à-dire qu'il va avoir un marché pour ça. C'est 25 000 par année, là. Donc, ça commence mi-juin, ça finit fin août. Fait que c'est pas quelque chose qui viendrait là, de faire je pense junior, mais il y aura une autre clientèle, à mon avis, là, pour le baseball professionnel. Ah, ben c'est pas mal intéressant. Ben, Richard Lahaye, très, très intéressant. Est-ce que tu es encore dans l'organisation des Aigles de Trois-Rivières? Non, c'est pour ça que je t'ai indiqué un peu là-dedans. J'ai quitté mes fonctions après 4 ans, là, au mois de septembre. Là. OK. Puis j'ai été approché par la Ligue parce que j'avais été faire un tour au match d'étoiles à Plattsburgh au mois de juillet. C'est là que j'ai établi des contacts là-bas, puis bon, ils ont commencé à me parler de Granby. J'étais très, très surpris, mais dans le fond, c'est une agréable surprise. OK. Dis-moi, la couverture, est-tu médiatique, est-tu intéressante? Tu dis Plattsburgh, est-ce que Plattsburgh, la couverture est bonne de cette équipe-là? Il y a encore du chemin à faire, là, pour être okay. Vrai. OK, ben oui, c'est sûr. Que la Ligue, en 2018, va être à sa troisième année. Mm. Fait que, il reste les deux premières années, c'est un succès, ça va très bien. Mais oui, il n'y a pas de cachette à faire. Il y a encore du chemin à faire du point de vue marketing pour faire connaître la Ligue. Mais on pense aussi qu'à 8 équipes en 2019, ça commence à être intéressant. OK. Est-ce que la Ligue Can-Am, parce que ça, c'est une ligue aussi, tu sais, Chic Michel travaille très fort pour emmener une notoriété à cette ligue-là. Il y a du chemin à faire pareil. Mais est-ce que la Ligue Can-Am pourrait pas avoir être une... Je sais que c'est pas officiel, mais c'est pas mal officiel, tu me l'as expliqué pas mal, mais il pourrait pas avoir comme une espèce de mariage entre les deux ligues, officiellement? Parce que les... comme moi, je verrais bien cette équipe-là être associée avec les Capitales de Québec. Oui. Ah, OK, dans ce sens-là. Ouais, je vois plus les Aigles, tu sais. Le club ferme. Ouais, c'est ça. Ça serait génial. Ça serait génial comme idée. Effectivement, parce que moi, je vois Saguenay à Québec et Granby à Trois-Rivières. Ouais. Ça serait génial. Parce que déjà, la Ligue Empire a fourni des joueurs au Capitale, au Jackals et aux Champions d'Ottawa. Alors qu'il y a trois autres équipes de la Can-Am qui n'ont jamais pu de joueurs. C'est un petit peu incompréhensible, surtout que les trois qui ont envoyé, on s'entend aussi là, que quand un joueur est libéré par un club de la Can-Am, ben, de l'envoyer refaire ses classes, ça ne peut pas être nécessairement toujours négatif. Des fois, il faut faire un pas en arrière pour revenir plus fort en avant. Moi, je trouve que ce serait génial comme mariage. OK, OK. Ben, Richard, hey, tiens-moi au courant, ça m'intéresse énormément ce projet-là. Même si je te donne beau, Moussassini, j'étais 1h30, 1h45, c'est quand même intéressant. Vu que on est sur Internet, on est capable de couvrir large. Absolument. Richard Lahaye, qui est le promoteur d'une équipe de l'Empire League Baseball, qui pourra atterrir à Ville-Saguenay en 2019.